sur amour comme un plaisir trop fort. Quand on a vraiment mal, mais qu'on en veut encore, quelque chose qui nous déchire, comme la flamme, comme le rock. Flamme and rock, flamme and rock. Flamme and rock, flamme and rock. Flamme and rock, flamme and rock. Flamme and rock, flamme and rock. Flamme and rock. Jalousie, mon impossible envie.